Hey, bonjour et bienvenue à cette édition de CNX.zip. En ce lundi matin, je m'appelle Mathieu Plante et vous écoutez l'émission qui compresse les chroniques CNX de l'émission Assemblage requis, qui est diffusée ici du lundi au jeudi de 15h à 17h. Aujourd'hui, on compresse les chroniques de la semaine du 12 octobre avec GoGo Gadget, nouvelles du futur et trucs cool. En passant, il n'y avait pas de chronique lundi dernier parce que c'était Action Grasse. Alors commençons en musique avant de passer à la chronique de mardi. Voici Balloon et Un Pequeño Tema. La CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Ah, c'est fou 89 FM.

The Accursed Seal par Sixto Sounds. Ça vient, en fait, c'est un mélange de deux pièces qu'on retrouve dans le jeu Castlevania 2 Simon's Quest, sorti sur la NES en 88. Donc, les pièces Bloody Tears et Within These Castle Walls, oui. Et maintenant, la nouvelle pièce s'appelle The Accursed Seal par Sixto Sounds. Mix sur lequel il a travaillé pendant plusieurs mois. Un mix vraiment, il dit, fort, avec la guitare qui sonne, la batterie qui sonne, tout qui sonne. C'est comme un genre de gros coup de poing. Quelques petits moments Guitar Hero là-dedans, je trouvais, qui était peut-être. En tout cas, c'est le fun. Je trouve ça très, très bon. Vous êtes toujours à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX qu'on retrouve dans l'émission Kiwan et Mathieu, Assemblage requis, diffusée ici à C'est fou du lundi au jeudi de 15h à 17h. Maintenant, on est rendu à la chronique de mercredi. Voici Nouvelles du futur. Mercredi. Okay. Ah! Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, c'est les Nouvelles du futur. On bondit, on fait un saut, comme sur une trampoline dans Mario, vers le futur, Kiwan. Ça t'intrigue? Je suis prêt. T'es prêt. Commençons avec une interaction tangible entre un ordinateur et son usager. D'accord? Un grand nombre d'entreprises tentent de développer depuis des années des interfaces tactiles rigides permettant à un utilisateur d'interagir avec l'ordinateur. Et bien, une équipe japonaise de l'Université d'électrocommunication de Tokyo s'est distinguée en trouvant le moyen de faire reconnaître par un ordinateur les interactions survenant entre un usager et des objets de caoutchouc flexibles disposés sur l'interface. Leur nouvelle technique repose sur l'utilisation d'objets faits de caoutchouc translucide déposés sur un écran LCD. Cette transparence permet d'engendrer la diffraction d'une lumière polarisée spécifique diffusée par l'écran. La diffraction de la lumière est obtenue lorsqu'elle passe à travers les objets avant d'être captée par la caméra. Le point faible du dispositif est la caméra qui est placée au-dessus de la tête de l'utilisateur, donc dans les jambes un petit peu peut-être. La tête de l'usager est donc susceptible d'empêcher la caméra de capter les images retransmises. L'utilisateur interagit avec le système en touchant, en bougeant, en pressant ou en serrant l'objet de plastique. En d'autres mots, des effets spéciaux sont créés en fonction du degré de manipulation de l'objet, comme on peut voir dans la vidéo qui va être sur assemblagerequis.com. Les applications d'une telle technologie pourraient se faire concrétiser dans le secteur médical, par exemple, en réussissant à modéliser l'image d'un cerveau en 3D, indique le New Scientist. Les futurs chirurgiens pourraient raffiner leur technique pour opérer. Étrange. Tu bouges quelque chose de caoutchouté et ça interagit avec le système. Donc, j'imagine qu'on comprend là, en voyant la vidéo. Ben absolument, absolument. Et voir sur assemblagerequis.com, dans l'émission Assemblage requis, on peut voir vraiment des mains bouger et toucher à des objets. Puis, en tout cas, c'est assez spécial. C'est comme... Donc, pour voir des mains bouger et toucher des objets, allez voir le assemblage. C'est ça. Il y a des vidéos de Kiwan assez obscènes là-dessus. Parfait. D'accord. Continuons avec... on parle souvent de télé dans le bloc Nouvelles du futur parce que les télés du futur sont assez géniales et j'ai hâte d'en avoir une. Donc, la technologie 3D pour le grand public n'est encore qu'à ses débuts, dit l'article de Branchez-vous électronique. Cette technologie semble très prometteuse, disent-ils. Plusieurs compagnies d'électronique travaillent sur de nouveaux modèles de téléviseurs intégrant cette technologie. Samsung fait partie de ces firmes qui souhaitent voir arriver bientôt le 3D dans votre salon. Elle vient d'ailleurs de présenter en Asie un modèle qui semble assez prometteur. Ils utilisent beaucoup le mot « prometteur », je trouve. L'appareil en question est une télévision avec une diagonale de 55 pouces. Ce modèle est également compatible avec la technologie haute définition 1080p et offre un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Bon, blablabla, c'est assez impressionnant, mais bon, c'est pas très compréhensible comme chiffre. On veut du concret. Pour arriver à faire de la 3D sur la télévision, Samsung utilise des lunettes à obturation LC ou des LCD Shutter Glasses qui bloquent rapidement l'œil droit et l'œil gauche alternativement. Donc, tes yeux comme clignent à cause des lunettes. En fait, c'est des lunettes qui te font... masque les yeux, c'est pas tes yeux qui clignent. Selon la firme de Séoul, on peut donc arriver à voir du vrai 240 Hz. Malheureusement, cette technologie est encore très chère. On connaît pas le prix de l'appareil pour l'instant. Télévision 3D qui devrait valoir plusieurs milliers de dollars. Il va falloir encore attendre au moins quelques années avant de voir une uniformité dans l'industrie ainsi que des télévisions plus abordables, dit l'article. J'en veux une, sérieusement, une télé en 3D, c'est vraiment cool. Ils vont penser qu'ils vont en faire des... Ils vont-tu encore en faire des télé 3D, mais genre 20 pouces noir et blanc? Ah, avec un petit piton que tu tournes, là? Ouais. Une roulette, genre? Avec un gérol sur le côté avec du contreplaqué, genre, ça? Ouais, penses-tu qu'ils vont en faire? Je sais pas, ouais. Sinon, ça, ça je vais être dépaysé un peu, je pense. Un peu, hein? C'est ouais. Au-dessus de toi pas mal, ça. Mm. Au-dessus de toi pas mal. j'ai hâte qu'au cinéma... Commençons par le cinéma, sérieusement, tu sais. Ils sont capables de faire des films en 3D, sauf qu'ils font des scènes de 5 minutes en 3D. Ouais, ça, c'est bizarre. Genre qu'ils fassent des films, tu sais, vraiment, tu sais. Que tous les cinémas puissent s'offrir. Exactement, tu sais, parce que là, il y en a, mais tu sais, à des places vraiment particulières. C'est pas à Trois-Rivières qu'on va voir ça. Puis, ben, je pense qu'il y a, pas une salle au Cap. Au Cap, ouais, ça, ouais. Je viens d'y penser en le disant. C'est vrai qu'au Cap, ils font des films en 3D. Ils sont en 3D du début jusqu'à la fin. Ça, faudrait savoir. Ouais, je pense que oui, mais tu sais, il y a genre deux films par année là, qui sont présentés, quelque chose comme ça. Gaspillage d'une si belle technologie qui pourrait servir tellement plus que pour deux films par année. Non, mais éventuellement, ça s'en vient. Là, il y a quand même une évolution. Absolument. À vous, quand même. Là. J'avoue. Wow. Pas obligé d'aller à IMAX là, puis d'aller voir des dinosaures. Pour non, voir c'est Harry Potter. Dinosaures, je m'en fous. C'est fini, les dinosaures, oui. Non, moi est-ce que j'ai l'air d'aimer les dinosaures? Non, mais c'est parce qu'avant, là, tu sais, pendant longtemps, si tu voulais voir... Ils sont morts, les dinosaures, si tu voulais voir un film en 3D, il fallait que tu ailles à IMAX, puis là, c'était des genres de documentaires. Des poches, montagnes, ouais, ou dans l'eau. Puis... Je sais pas, est-ce qu'ils peuvent faire du 3D dans l'eau? Hein, on s'emporte dans des parenthèses. Mais un film 3D dans l'eau, ce serait cool, j'aimerais ça. Ah, sûrement que ça existe. Je pense que oui. Ah, ouais, je pense que oui. Bon, donc, toujours dans le bloc technologique CNX. Dans le cadre du CEATECH qui se déroulait récemment au Japon, le Fraunhofer Heinrich Hertz Institute a présenté les dernières avancées de son concept de miroir virtuel qui permet d'obtenir une réalité augmentée sans que le spectateur ait besoin de porter des lunettes spéciales. C'est bien. Les seuls dispositifs nécessaires pour obtenir la réalité augmentée sont une caméra pour capter l'image du spectateur qui est placé devant le dispositif miroir spécialement conçu et le logiciel développé par l'entreprise. Ce logiciel hautement sophistiqué permet de traiter et d'altérer à volonté les images du spectateur captées par la caméra et de les transmettre en 3D sur le dispositif qui sert de miroir. De cette façon, le spectateur qui regarde son reflet voit en fait son image qui a été modifiée par le logiciel. Le spectateur qui tente l'expérience peut effectuer n'importe quel mouvement. Il peut circuler librement autour du miroir tant que son image est captée par la caméra. Sur le site, l'endroit, là, ce que je disais tantôt, le promoteur quelque chose, là, indique que le miroir permettrait par exemple d'essayer de nouveaux vêtements sans avoir à les enfiler. Vous pouvez voir une vidéo de tout ça en action sur assemblagerequis.com. Assez spécial, ça donne. Sans avoir à les enfiler. Donc, c'est que la caméra capte tes mouvements. C'est modifié par ordinateur. Bon, disons qu'on t'ajoute des vêtements et puis ça retransmet cette image-là dans l'écran devant toi. Donc, t'as l'impression que c'est comme ton image en temps réel. Parce que c'est ton image en temps réel. On dirait un miroir, mais c'en est pas un. C'est un miroir modifié par ordinateur. C'est vraiment malade. Wow! C'est fou pareil, là. Fou furieux. Ça ou des coupes de cheveux, ça pourrait vraiment faire, comme on dit, la pièce. Hein? Mm-hmm. Dans un salon de coiffure, ce genre de technologie à des milliers de millions de dollars pour te voir avec d'autres cheveux dans le miroir comme si c'était live devant toi. J'adore. On continue avec une peinture anti-Wi-Fi. Intrigue. Une équipe de scientifiques de l'Université de Tokyo, encore une fois Tokyo, a mis au point une peinture qui est capable d'absorber et de bloquer les fréquences d'une connexion Wi-Fi. Bien que des peintures ayant la même fonction existent déjà, les chercheurs affirment que c'est la première fois que des fréquences supérieures à 100 GHz peuvent être absorbées. La peinture contient des particules magnétiques, de l'oxyde d'aluminium et de fer qui résonnent à la même fréquence que le Wi-Fi, mais aussi à celle de différentes ondes radio. Ça signifie que l'utilisateur qui a appliqué cette peinture sur les murs d'une pièce dans laquelle se trouve son ordinateur connecté au Wi-Fi, les données qui circulent dans l'air se font absorber et bloquer par les murs. Voilà, donc ces données ne peuvent sortir ou entrer de la pièce. Et un voisin, par exemple, ne pourra plus jouir de sa connexion gratuitement. Les voisins qui piquent ta connexion Internet, là, fini avec ça. Ouais, mais ça coûte pas moins cher de juste mettre un mot de passe pour sa connexion. Ah, un mot de passe, ça se craque, ça, tu sais. Hein? Tandis que de la peinture, c'est... C'est un petit peu plus difficile, hein? Oui. Je sais pas si tu peux mettre du primer par-dessus, puis ça... Je sais pas. Et terminons avec des insectes transformés en cyborgs ou en cyborgs télécommandables. Des ingénieurs de l'Université de Berkeley en Californie ont trouvé le moyen de contrôler des insectes vivants à distance au moyen d'une petite télécommande. Une armée d'insectes modifiés pourrait ainsi être envoyée pour repérer des survivants après un désastre ou pour agir comme de petits espions. Pour pouvoir guider les mouvements des coléoptères, les chercheurs ont connecté des électrodes à leur cerveau et à leurs muscles et ont collé une antenne radio sur leur corps. Ça a permis de les faire décoller et les faire tourner sur commande. La durée des vols varie entre 45 secondes et 30 minutes. Quand même pas mauvais, ça, 30 minutes, c'est beaucoup. C'est des séries spécifiques d'impulsions électriques envoyées dans leur cerveau qui stimulent leurs actions. Et une stimulation musculaire les fait emprunter la direction ou l'altitude désirée. L'objectif du projet de recherche est de pouvoir gérer parfaitement bien, tous les moindres gestes de ces insectes. Le projet des insectes Cyborg a été fondé par le Pentagone, plus précisément par l'Agence des projets de recherche avancée de la Défense nationale, ou le DARPA. Pour l'instant, le matériel électronique et la batterie utilisée sont trop lourds pour les installer sur n'importe quel type d'insecte. Les chercheurs utilisent donc une espèce africaine de coléoptère qui devient aussi grosse que la pomme d'une main à la fin de sa croissance. Il y a une vidéo des insectes cyborg sur assemblagerequis.com, évidemment. Puis pourquoi tu penses qu'ils font tout ça? Penses-tu vraiment que c'est pour envoyer des insectes, trouver dans les décombres, quelque chose comme que tu as dit tantôt là? Ou est-ce que tu penses que c'est pour que les insectes se faufilent dans des orifices humains puis nous contrôler non? Mais non, mais c'est pour éventuellement contrôler les humains, c'est clair. C'est clair. C'est un complot. C'est, en plus, c'est le Pentagone. Alors, c'est le gouvernement. Le gouvernement américain, c'est clair. C'est au septembre. C'est un complot. Oui. C'est sûr. Maudit. J'ai dit un jour, on va être contrôlé par le Pentagone. Moi, en tout cas, je les accueille favorablement. Les robots, je trouve que ça va être de très bons maîtres. J'ai hâte de les avoir comme maîtres. Ouais, mais toi, t'es un robot. C'est correct. Je pense que t'es correct. T'es un robot, c'est pas pareil. Fallait pas le dire. Ouais. Faut garder le masque, l'anonymat. L'anonymasque. Là. Je pense que je l'ai bouché avec celle-là. Anonymasque! Alors, c'est la chronique de mercredi, Nouvelle du futur. Vous êtes toujours dans CNX.zip, émission qui compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage requis, diffusées du lundi au jeudi de 15h à 17h. D'ailleurs, il y a une chronique qui s'en vient plus tard aujourd'hui, vers les 15h20, dans l'émission du retour avec moi et mon bon ami Kiwan. Oui, que je torture toujours. C'est toujours le fun. Tantôt, il va y avoir la chronique de jeudi, c'est truc cool, donc c'est notre ramassis de choses qui ne fit pas dans aucune autre chronique. Mais avant ça, on va retourner en chiptune, mais avant ça, encore avant, mettons les choses dans l'ordre. Là. On va prendre une petite pause, se calmer les nerfs un peu, arrêter de parler aussi vite que ça. Restez avec nous à CNX.zip. Bonjour, c'est la deuxième moitié de CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans l'émission Assemblage requis. Ça, c'est du lundi au jeudi de 15h à 17h. Toujours Mathieu Plante, oui, jeudi ou pas, peu importe. Je vous rappelle que tous les liens de l'émission sont sur assemblagerequis.com, www.assemblagerequis.com. Vous allez retrouver toute la musique Chiptune qui joue dans l'émission d'aujourd'hui et tous les liens de toutes les chroniques sur une seule et même page, donc vous n'aurez pas à chercher pendant des heures et des heures et des heures. C'est assemblagerequis.com. Avant de continuer avec la dernière chronique de la semaine, celle de jeudi, truc cool, on s'en va entendre une bonne petite pièce de chiptune, de la musique créée par des consoles de jeux vidéo, avec des consoles de jeux vidéo, ou inspirée par des consoles de des jeux vidéo. Peut-être pas inspirée par des consoles, et moi, ma NES m'inspire tellement. On s'en va entendre Hybrid Moments, c'est un cover un cover des Misfits par Tristando. En fait, je vous explique. Hein? Dans le fond, c'est que c'est pour c'est un dépliant, si on veut, un dépliant électronique. Les gens font ça, c'est très à la mode sur YouTube. Bon, tu postes une vidéo à la place d'envoyer un dépliant, tu sais, un petit flyer, un petit papier. Donc, c'est pour un spectacle d'Halloween qui va avoir lieu bientôt, qui a lieu récemment. C'est Pulse Wave qui organise ça. Donc, trois ensembles de gens qui font du chiptune font des numéros à thème. Donc, les Cheap Dinosaurs couvrent le groupe Goblin, Graffiti Monsters couvrent Minor Threat et Womb Ripper couvrent les Misfits. Donc, bref, ici, c'est une pièce des Misfits refaite. Donc, voici Hybrid Moments à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Un peu mélangeant, mais bon. On reprend des tonnes de d'autres, là. On chip tout. Et voilà. Hybrid Moments, Misfits Cover, donc un cover des Misfits par Tristando. Vous êtes toujours à CNX.zip où on compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. Voici celle de jeudi, c'est truc cool. Jeudi. Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on fait quelques trucs cool. Des trucs cool. Ouais, ben ça veut dire un ramassis de ce qui ne fait pas dans les autres chroniques. Donc, c'est pas des gadgets, c'est pas des sites web, c'est pas des trucs ou logiciels. C'est juste des trucs cool. Okay. Comme ça, le fun. Commençons avec un cercueil dans un ordinateur. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec nos corps après la mort? Hein, y en a qui les mettent en cendres, leur corps. Ça arrive. Mm-hmm. Y a des gens qui veulent faire ça au lieu de donner leur corps à la science puis être gentils. Bref, mon opinion là-dessus, moi, je veux donner mon corps à la science. Ah ouais, mon opinion là-dessus. Non, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Là. Non, je sais, c'est de la générosité. Donc, ici, un ordinateur Spark Station. Quelqu'un a mis les cendres de son frère dans un ordinateur Spark Station. Il y a aussi les dernières pensées de Alan sur le devant de l'ordinateur. Ça dit « Beam me up, Scotty. I'm done here », comme dans Star Trek. Beam me up, Scotty. Un hommage. Il a gardé le dessus de choses de disquette pour faire entre les disquettes. Les gens peuvent laisser des post-it, des notes et les passer dans la fente pour les mettre dans l'ordinateur. C'est vraiment cute comme idée. Et puis, ça, c'est pour ceux qui veulent les garder privés, leurs pensées, leurs petits mots d'adieu. Et ceux qui veulent l'afficher, laisser ça à la vue, ça va être collé sur l'ordinateur. OK, mais ça, tu veux dire, c'était pour le salon funéraire, là? Ouais, j'imagine, ou peut-être juste pour le garder dans la maison. J'ai aucune idée. Ça, okay. C'est pas précisé si c'est pour garder. Je crois, ça a l'air de ça. Il a enlevé quelques affaires dans l'ordinateur pour manque d'espace. Là, par exemple, le lecteur de disquette en tant que tel, et non pas le devant. Le disque dur a été enlevé et le power supply. Mais il a laissé la carte mère et puis même la switch on-off. Bref, c'est super cute. Donc, c'est vraiment une urne, finalement. Voilà. L'ordinateur et l'urne. Exact. C'est un Spark Station. Allez voir la photo sur assemblagerequis.com. C'est tout mignon. Okay. Tiens, une application complètement inutile pour l'iPhone et l'iPod Touch, mais que je trouvais quand même vraiment bien. Ça s'appelle iLiquid. Ils ont amené l'idée du multi-touch, de l'écran multi-touch du iPod, du iPhone ou du iPod Touch à l'extrême avec la langue. Donc, iLiquid, on liche l'écran. Hein? Donc, l'idée, c'est que tu reçois une assiette de nourriture de ta grand-maman, d'accord, sur le jeu, et tu dois licher l'assiette pour la vider en lichant ton iPhone, ton iPod Touch. Donc, quelque chose qui est allé dans ta poche avant, ou peu importe où vous avez mis votre iPhone avant, pas sûr de l'idée. Il y a aussi une autre application pour lécher de la crème glacée. Qui est déjà sur le magasin, le App Store. Mais ici, le jeu iLiquid avec l'assiette de grand-maman, c'est supposément le premier jeu iPhone que vous pouvez jouer avec votre langue. Donc, vous faites des points. Ça calcule le temps que ça vous prend pour licher l'assiette. Beau petit jeu. C'est vraiment dégueulasse. Vraiment, je ferais jamais ça. Je suis pas sûr que c'est approuvé, ça, dans le petit dépliant du gouvernement du Québec là, pour contrer la pandémie de grippe H1N1. Mmh. Je sais pas s'il en parle, mais non, je pense que c'est pas... En tout cas, moi, j'ai vu tantôt que t'as appris ta leçon. Hein, tu éternues dans ton devant, dedans de coude. Hey, je suis pas pire. Hein? T'es vraiment bon, je le fais même pas. Ouais. Moi, je l'ai fait sur mon avant-bras. Ah non, moi, j'ai... Ouais. T'as appris ta leçon. Hein? Pas mal bon. Un utilisateur qui se nomme Airs sur le site de benheck.com a réussi à mettre une console NES et même la télécommande, tout ça à l'intérieur d'une cassette de NES, dans la cartouche du système. Non, NES, c'est le Nintendo original, là, celui de Mario Bros et tout et tout. Il appelle ça le NESP, la NES Portable, et ça a pas mal tous les jeux de NES qu'on pourrait vouloir jouer sur un émulateur à l'intérieur d'un petit logiciel qui est dans une cassette de NES. Et t'as vraiment les boutons et l'écran tout, là. Tout dans la cassette, là. C'est vraiment tout petit, là. Je sais pas comment il a fait, mais c'est tout petit. L'écran, les boutons. Et puis, tout plein de ROM, donc tu peux jouer à n'importe quel jeu. Au début, la base de ce qu'il y a à l'intérieur, c'était un lecteur média portable chinois, d'accord? Donc, il a hacké ça, si on veut, arranger ça pour pouvoir mettre des jeux de Game Boy, des jeux de NES. Imagine, Game Boy et NES, les deux. Il y a aussi un lecteur vidéo, un lecteur musique, donc MP3, et une radio FM à l'intérieur de ça. Et il y a même un TV out, donc Airs peut jouer sur sa télévision à tous ces jeux-là et sa musique, c'est malade. Ben, j'en reviens juste pas. Dans une cassette de NES, come on! Il y a une vidéo sur assemblagerequis.com. L'article vient de Device. Est-ce que tu lis la stupéfaction sur mon visage? Ah, vraiment, là, t'as l'air bouche bée. Ça a l'air bouche béant hein, pour toi. On a tous vu des modifications de boîtes de PC. Bon, je dis on a tous, sauf Key One, c'est toujours la parenthèse à faire, mais des modifications de PC, donc des choses qui... Bon, il y en a qui rajoutent des systèmes de ventilation à par eau, il y en a qui rajoutent plein de décorations sur leur boîtier de PC. Dans ce cas-ci, c'est à l'intérieur de la boîte que ça se passe. C'est vraiment super beau, vraiment pas ordinaire. C'est qui la personne? Je sais pas son nom, mais bon, quelqu'un a vraiment fait très a porté l'attention aux détails à l'intérieur de son ordinateur et a fabriquer un salon lilliputien, si on veut, donc un vrai salon comme n'importe quel salon, avec une boîte de Cracker Jack sur la table, une micro-copie du New York Times, donc tout ça en tout petit, dans la boîte de PC. C'est vraiment très impressionnant, allez voir ça. Les photos sont sur assemblagerequis.com. Beau petit salon à l'intérieur d'un boîtier d'ordinateur PC. Il y a même la carte mère, là, est comme rouge. Ça va super bien avec le décor des tissus des divans. T'sais. Tout est vraiment agencé avec la carte mère. c'est malin. Super beau, une belle lampe. Ah, j'adore ça. Tiens, ici, bon, on n'a pas à chercher trop loin pour trouver l'inspiration de cette idée-là. Est-ce que tu as vu le film Big dans les années 80, fin 80, avec c'était Tom Hanks qui était là-dedans? Oui, mais oui. Tu sais, il jouait du piano dans un centre d'achat à un moment donné. Oui. Bon, et bien, ils sont basés là-dessus. Vous avez peut-être vu ça sur Facebook, ça a fait le tour d'Internet très récemment. C'est une firme publicitaire DDB et puis Volkswagen qui se sont rassemblés pour faire une petite expérience qui s'appelle la Fun Theory. C'est un... Ils essaient de changer les habitudes de paresseuse des gens là-bas dans la capitale suédoise. Hein? Donc, la transformation, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des escaliers roulants, ou juste des escaliers, en tout cas, peu importe, mais des escaliers dans un métro. Ils ont changé ça en piano. Donc, vraiment, quand les gens montent les escaliers, ça joue les notes de piano, les noires et les blanches, là, les deux. Là. Pas juste les blanches, là, ce serait facile de faire ça. Là. Ils ont vraiment bien fait ça. Donc, un piano, ça a augmenté l'utilisation des escaliers par rapport aux escaliers roulants. Donc, j'imagine que c'était l'idée de la chose, c'était de faire bouger les gens au lieu de prendre l'escalier roulant. Ça a augmenté l'utilisation des marches par 66%. Je sais pas qui a compté ça. C'est un peu une job plate. Le stagiaire, va donc compter le nombre de gens qui vont jouer dessus. Mais bref. Très mignon de cette agence DLB et Volkswagen. Et puis, si vous voulez voir un autre exemple, c'est une poubelle qui fait un effet sonore. Quand tu jettes quelque chose dans la poubelle, ça fait... genre un effet sonore dans la poubelle, c'est super drôle. Allez voir les deux vidéos sur assemblagerequis.com et apparemment qu'ils veulent adapter certaines de ces idées-là pour le marché américain ou en tout cas au moins anglophone. Je trouve ça vraiment cool. Et si vous voulez voir le film Big, il joue ce dimanche à TVA. Ah, sûrement toutes les semaines. Tout le temps. Prise 2, ça. Au pire. Et puis finalement, on va terminer avec un article sur blogoscope.com qui nous montre les engins de recherche tels qu'ils étaient là vraiment longtemps. Par exemple, Hotbot. Est-ce que tu te rappelles de Hotbot? Tu n'étais pas là sur Internet plus qu'un an. Plus qu'un an. Si tu viens juste de commencer ça. Ça existait pas un an. Ben, je te jure. Donc, Hotbot.com, pour ceux qui se rappellent du début des années 90, c'est pas mal ce qu'on utilisait. C'était vraiment vert et mauve, rouge fluo. Beaucoup, beaucoup trop de couleurs fluo sur Hotbot dans les années 90, en 97. Donc, c'est le blog Six Revisions qui nous montre des exemples de quoi ça a l'air maintenant et avant. Donc, par exemple, dans le cas de Hotbot, il y a 97, 99 et 2009. Oui, j'ai été surpris de savoir que Hotbot existe toujours et a toujours le même logo, mais sur une page un petit peu plus épurée, un peu à la Google. Maintenant, tu peux chercher sur Yahoo et puis sur MSN et puis sur Lico. Tu vas sur Hotbot.com. Dans le fond, la recherche est faite par d'autres gens. Ils n'ont plus d'engin de recherche, mais le site existe toujours. Un peu bizarre pourquoi ils font ça des fois, mais bon. Il y a aussi Excite. Ça me rappelle tellement des souvenirs comment c'est laid, ça. Même pas de mot du bon sens. C'est ridicule. Je suis impressionné, sérieusement. Allez voir ça sur assemblagerequis.com, comment les sites étaient laids des années 90. Il n'y avait aucun goût. Même, je veux dire, je comprends que la technologie n'était pas avancée, mais Caroline, là. J'ai envie de sacrer. Webcrawler, un paquet d'autres. Ah, Webcrawler est rendu très beau aujourd'hui, très web 2.0, avec des grosses polices, des grosses affaires, des belles petites couleurs fades, là. Mais dans la mode aujourd'hui. Attends, quand on parle de site internet, ça te met hors de toi. Je me m'emporte. Calme-toi. On dirait André au dîner de con. Pareil. Six poils de con, c'est quoi ça? J'en vis. Ask Jeeves, ask.com, MSN, Yahoo. Tout est là. Allez-y sur assemblagerequis.com. Des minutes de plaisir. Tout le monde, chacun a leur petit show, leur petit truc. Là, moi, ça me... Les transports, là, qui les soulèvent. Ça, c'est le fluo dans les sites internet. Je suis pas capable. Il y en a d'autres que c'est la famine, tu sais. chacun ses priorités. Chacun ses champs de bataille. Ouais. Ah bon. Ça fait le tour pour la chronique CNX d'aujourd'hui. Je vais promettre de m'emporter d'autres fois comme ça, parce que j'aime bien ça m'emporter une fois de temps en temps. C'est des affaires de main. Pas trop souvent, parce que c'est rough un peu, je trouve. Dur à écouter, hein, quand je suis fort. À 4h l'après-midi, là, je veux dire, on n'est pas en pleine nuit là, pour faire des crises comme ça à la radio. Puis chanter du métal. Le matin, c'est encore pire. Vous êtes toujours à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. C'était la chronique de jeudi, truc cool. C'était la dernière chronique de la semaine, d'ailleurs. Soyez là aujourd'hui, tout à l'heure, lundi, là, vers les 15h20 pour une autre chronique technologique CNX. Mais avant ça, nous, on continue avec d'autres chiptunes, soit de la musique inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Ici, c'est Errol. Où Errol et Piffy, deux membres d'un concours, d'écriture de chansons qui s'appelle 50 Songs in 90 Days, donc 50 chansons en 90 jours, hein, le 5090. Ils ont créé un chef-d'œuvre de nerdcore comme on appelle le style musical nerdcore. Donc, c'est vraiment, et là, c'est très impressionnant de l'expliquer comme ça. C'est un walkthrough. Tu sais, sur Internet, des fois, on retrouve ça sur GameFAQs.com, entre autres. C'est une façon de battre un jeu. Donc, quand tu sais pas quoi faire dans un jeu vidéo, tu vas chercher un walkthrough et puis tu suis les étapes, tu suis les instructions pour aller chercher, bon, telle affaire, une médaille ou battre un monstre, comment réussir à le faire. Donc, un walkthrough pour un jeu d'aventure textuel, un text adventure game qui s'appelait Zork. Hein? Donc, le jeu, c'était vraiment... Il n'y avait pas d'image. Là. C'était pas un jeu où tu contrôles un petit bonhomme. Non, c'était vraiment... Tu fais des commandes texte. Bon, marche vers là. Bon, fais ci, fais ça. Ramasse ci, ramasse ça. Parle à la tête de personne. Donc, Piffy et Errol ont pris le jeu d'aventure textuel Zork et ils ont fait une pièce qui s'appelle Walkthrough que voici à l'instant à CNX.zip. South. East. Open the window. Enter the house. West. Get the lamp. And move the rug. Now open the trap door. Light the lamp down southeast, get the painting. North up, get knife and rope down west. Open case with painting, in case drop knife, get sword. Open trap door down north, kill a troll with sword. Drop sword east, east, southeast, east, tie the rope to railing. Climb down rope southeast, get coffin west, south bray. Down slab, south, north, east, down to canyon bottom. North drop coffin, open coffin, get scepter, wave scepter, look. Get gold and coffin, south is up the canyon. View northwest with enter house and open bag, get trolling west with coffin, scepter and the golden case. Open trap door and light the lamp. North, north, north, west, north, east, put the torch in basket, light the left, north, down, east, north, east, south, east, south, up, down, down to the ladder, bottom, south, get full, north, up to ladder, top, up, north, east, south, north, up, south, put the coal and screwdriver in basket, lower basket, north, down, east, northeast, southeast, south, with down, down, west, drop, all enter, crack, get coal, torch, and screwdriver, south, open, lid, put coal into machine, close, lid, turn, switch, with screwdriver, open, lid, get diamond, drop, screwdriver, north, put the torch and the diamond in the basket, east, east, get skull, up, and garland, east, north, to the ladder, bottom, through the coal mine, to the gas room, get prison, up, south, raise basket, get the torch and diamond, turn off lamp, with, get shade, southeast, south, and enter, slide up, with the diamond, shade, bracelet, and the torch in the case, drop, garlic, turn on lamp, northeast, northeast, northeast, north, get trump. North get air pump, north get tide, and south to reservoir, south to cease the play pump with pump, get info, say lunch, wait, wait, wait, wait, wait, get boy east to the beach, exit boat, get shovel, north east, tip with shovel, dig, dig, dig, drop, shovel, get the scarab, south with drop, oil, good boy, get emerald, south to the falls, drop, rainbow, turn off lamps, south with to canyon bottom, up to canyon views, back to the White House and the living room, put just emerald, the scarab, and the trident, in the case, east, east, north, north, climb the tree, get egg, climb down, south east, back to living room. Down up west, south up, take the coins and keys. South with east, south south east to the cyclops room. Odysseus, up, give it to me. Down east, the coins and keys. Get knife west, up, kill the thief with knife. Kill the thief with knife. Get all down northwest, southwest, up, down northeast. Unlock grade, open grade, up, south line, tree line, up, canary, climb down. Get bobble, go back to living room. Remove canary from egg, but a canary bobble still let go in case down up east until you get to loud room. Echo, get far west. Put all except the lamp into case. Errol et Piffy avec Walkthrough. Comme je vous disais, c'était dans le cadre d'un concours qui s'appelle 50 Songs in 90 Days. Ils ont pris le texte du jeu textuel d'aventure Zork et puis ils ont mis de la musique autour de ça. Donc c'est Errol et Piffy avec Walkthrough. Avant de continuer avec encore un petit peu de chiptune, voici ce qui s'en vient tout à l'heure à Assemblage Requis. Ce lundi à Assemblage Requis, la chronique politique de François Landry, on introduit les petites mythologies de Martin Bertrand, je vais retenir mes blagues sur le mot introduit, et il y aura aussi la chronique technologique CNX. Tout ça dans Assemblage Requis, lundi, 15h. C'est ce qui s'en vient tout à l'heure à Assemblage Requis avec mon ami Kiwan et puis moi-même Mathieu Plante. Vous êtes toujours à CNX.zip, l'émission qui compresse toutes les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage Requis. On a terminé les capsules, les chroniques, ou les crapsules, comme je les appelle, parce qu'ils sont tellement cute. On continue avec encore un petit peu de chiptune. On va l'entendre. Une autre pièce de Balloon qu'on a entendue en début d'émission, mais j'ai vraiment aimé ça, donc je suis allé chercher une autre pièce. Voici El Árbol y las Otras Cosas. Esta canción se llama El Árbol y las Otras Cosas. Y va a ser la inspiración para el arte del disco. Sí, estaba en el próximo disco. For sure. For sure. For Esto sure. Es Balloon aquí en directo. L'arbol y las otras cosas, ou The Tree and Other Things, l'arbre et d'autres choses, par Balloon. C'est un groupe de Puerto Rico. Ils vont sortir un deuxième album en 2010. Pour l'instant, il y a un maxi MP3 sorti sur AB Peoples dans le mois de septembre. Et le groupe a joué trois pièces, dont cette chanson qu'on vient d'entendre dans une radio universitaire pour faire la promotion des projets qu'ils font. Donc, c'est vraiment cool. J'aimerais ça, moi, avoir du chiptune en direct en studio peut-être un jour. C'est presque la fin de l'émission. On doit se dépêcher. L'émission se termine. Ça va être le dîner de con dans quelques minutes. Mais avant ça, une nouvelle assez importante qui a eu lieu mercredi. Captain Lou Albano, qui est un lutteur assez célèbre, qui était vraiment une personnalité vraiment... c'était quelque chose. C'est aussi un gérant de lutteur. Mais on s'en rappelle, nous, les geeks, pour son rôle, il jouait Mario dans la série Super Mario des années 80, vous savez, avec des vrais gens. Mais Lou Albano, c'était Mario. Maintenant, les gens se servent d'un vidéoclip de Cyndi Lauper des années 80, Girls Just Wanna Have Fun, parce qu'il jouait aussi le père d'un des personnages dans ce vidéoclip-là. Donc maintenant, les gens laissent des commentaires pour dire, tu sais, on va s'ennuyer de lui, puis etc., c'était une bonne personne. Bon. Donc, je me suis dit qu'on pourrait se quitter cette semaine avec la chanson thème de Super Mario, que je fais jouer des fois, une fois de temps en temps, ici à CNX, dans ma chronique Jeux pour le bureau. Donc, on va se quitter avec ça. Capitaine Lou Albano qui chante lui-même en anglais la chanson Do the Mario à la fin de la série Super Mario des années 80. On se retrouve lundi prochain à 10h pour une autre édition de CNX.zip et puis Assemblage requis avec Kiwan et Mathieu à partir de 15h du lundi au jeudi. Ça va être le dîner de con qui va suivre à 11h ou dans quelques secondes après ça et la pub. Bye bye. Do the Mario, swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario, take one step. And then again, let's do the Mario all together now. You got it. It's the Mario. Do the Mario. Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario. Take one step. And then again, let's do the Mario all together now. Come on now, just like that.